du monde que je fus amené à croiser. Sans conteste la plus immonde est bien tapie dans nos foyers. Elle se répand sur les ondes, personne n'est épargné. Elle touche même ma blonde qui me délaisse sans sourciller. Combien de fois faudra-t-il que je te le demande? Allez, ne fais pas l'imbécile et lâche sa télécommande. Tu sais que je déteste voir ainsi devant la télé. Ça fait des heures que tu y restes, puis tu iras te coucher. J'essaie bien de la pâter avec une nouvelle recette. Du thon au gingembre mariné, de la cuisine de compète. J'ai essayé les menaces, l'ultimatum et l'embargo. Sur le chocolat et les glaces, j'ai même pris en otage le frigo. Combien de fois faudra-t-il que je te le demande? Allez, ne fais pas l'imbécile et lâche cette télécommande. Tu sais que je déteste voir ainsi devant la télé. Ça fait des heures que tu y restes, puis tu iras te coucher. J'essaie de la rendre jalouse en chattant sur Messenger. Je polémique sur les pelouses dans les forums de footballeurs. J'essaie de la rendre perplexe en restant pendant des heures au téléphone avec mon ex, mais sans succès j'en ai peur. Combien de fois faudra-t-il que je te le demande? Allez, ne fais pas l'imbécile et lâche cette télécommande. Tu sais que je déteste voir ainsi devant la télé. Ça fait des heures que tu y restes, puis tu iras te coucher. J'essaie de la séduire en lui jouant mes chansons, mais elle ne détache qu'un sourire de l'île de la tentation. C'est la triste vérité, je devrais pour qu'elle craque me résoudre à passer un jour à la Starac. Combien de fois faudra-t-il que je te le demande? Allez, ne fais pas l'imbécile, lâche cette télécommande. Tu sais que je déteste voir ainsi devant la télé. Ça fait des heures que tu y restes, puis tu iras te coucher. J'essaie de la prendre par surprise en disséminant dans le salon les dépliants sur Venise qui font très fleur bleue et violon. Quelles que soient mes chances, je ne baisserai pas les bras face à la concurrence des aventuriers de Koh-Lanta. Combien de fois faudra-t-il que je te le demande? Allez, ne fais pas l'imbécile et lâche cette télécommande. Tu sais que je déteste voir ainsi devant la télé. Ça fait des heures que tu y restes, puis tu iras te coucher. Quand l'émission est terminée, j'arrête alors de me plaindre. Je maudis en silence la télé que je peux enfin éteindre. Je m'approche de ma chérie, je pose une main sur ses reins, mais c'est là qu'une sonnerie vient abréger notre câlin. Je décroche le téléphone et je réponds, je ne suis pas là, mais c'est sa copine Simone à qui on ne la fait pas. Elle se demandait si on avait vu par hasard ceux qui ont été sortis ce soir à la Nouvelle Star. Alors je tends le combiné, accompagné d'un regard noir, à ma tendre dulcinée qui me comble de désespoir. Et puis je m'enfuis de l'appart en claquant la porte pour faire la fête toute la nuit avec ma bande de potes.